Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la première rencontre des quarts de finale de la Coupe du Monde. C'est vraiment un honneur pour moi de commenter ce match du Japon contre l'Écosse. Je m'appelle Will Teed et pour l'instant je suis tout seul. Apparemment la personne qui doit m'aider n'est pas encore arrivée, donc je lui donne 10 minutes et après j'appelle ma femme pour le remplacer. Car oui mesdemoiselles, désolé, je suis marié. Ma fleur chérie se trouve justement dans les gradins. Ah ! Les deux équipes sortent de l'ombre et vont s'asseoir à chaque extrémité du terrain. C'est la différence avec les qualifications. Cette fois-ci, on peut voir les joueurs en chair et en os. Alors, ils se branchent à leurs anges. Et voici les hologrammes qui s'activent. Alors, la règle veut que l'on les cite toujours dans cet ordre. D'abord, les trois handbreakers, puis les deux shooters, le keeper et enfin le speed jumper. Et voici le Japon avec Azuki, Echizen, Misheng, Yuga, le capitaine Ozora, Wakabayashi et Aichi 21, accompagnés de leur coach, le White Earl Deville, et à ma gauche, l'Écosse avec Cherish, Neil, Slangster, Armstrong, McGregor, le capitaine Ulfric, Finian et leur coach Big Shot. L'arbitre est Sir Tolérorien, aussi connu pour avoir conçu avec son frère cadet les premiers modèles de Plexus, des mini-armures de combat que l'on place sur les anges. Alors les capitaines procèdent au tirage au sort. Et le Japon aura donc le terrain et l'Écosse le ballon. Nous pouvons voir un décor virtuel se matérialiser sous nos yeux. Cela permet d'avoir un spectacle encore plus éblouissant grâce aux difficultés du relief. Nous avons affaire à une aire de jeu plutôt classique cependant, avec des temples de chaque côté dont les portes d'entrée seront les buts. Au milieu, un pont de bois de quelques mètres de longueur relie les deux camps, tout ça dans une ambiance très zen. Et le coup d'envoi est donné. Mitchell qui passe à Zuki, contré par Neil. Wow. D'où vous sortez-vous ? Belle manœuvre du shooter écossais qui a tiré un cocard pour ralentir Azuki. Eh oh, vous allez me répondre, oui ? Ça se fait pas, c'est pas des manières. Je suis un ninja. Mais bien sûr. Et le panda, il met la patte de haricots rouges dans le papier d'alu. L'Écosse marque grâce à l'agilité de Slangster. Très impressionnant. On ne dirait pas, vu votre enthousiasme. Pourtant, je suis très ravi d'être avec vous ce soir. Et c'est quoi votre vrai nom, s'il vous plaît ? Vous pouvez m'appeler... Kenzen Yakushishi ! Mais c'est un perso du manga basilisque, ça ! Je suis obligé de cacher mon identité. Les vrais ninjas, c'est pas comme dans Naruto. Mouais. Bon, reprenons. Le combat acharné continue. Le Japon cherche à fatiguer l'Écosse pour pouvoir certainement enchaîner les buts plus tard. C'est une bonne tactique, bien que risquée si jamais le speed jumper écossais met fin au match prématurément. Alors qu'Armstrong utilise une technique secrète, son cocard semble s'embraser et frappe Ryoma et Chizen de plein fouet. Slangster s'empare du boif. Il regarde le keeper adverse de son air menaçant. Et il marque 0-2. Oh. Ça me rappelle lorsque mon sabre s'est enflammé lors d'un combat dans la forêt qui cramait et que j'ai décapité un type avec. C'était super joli. Il y avait de magnifiques couleurs. Non mais ça va pas de raconter des trucs pareils à l'antenne. Il y a ma petite sœur qui écoute, je vous signale. T'inquiète pas Winnie, il dit n'importe quoi. Donc ça suffit maintenant avec vos salades. Hein. Mais je ne mens pas, je suis vraiment un ninja. Je suis le disciple de Maître Oniwaban. Le marchand de bandeaux de ninja. En effet, il n'a jamais eu d'enfant et m'a donc transmis son savoir. Mais je suis encore loin de son niveau. C'est juste un charlatan, ce type. En plus, je suis certain qu'il les importe de Chine, ces bandeaux. Je l'ai hébergé chez moi il y a quelques mois, je me ferais dire. Je l'ai bien observé. Il a pas l'air d'avoir le moindre don pour quoi que ce soit. Ne redites plus jamais ça. Oui, non. Je retire ce que j'ai dit. Il a l'air très compétent. Il bute ! Le Japon marque enfin grâce à la magistrale feinte d'Azuki qui a fait rebondir le ballon sur le poteau avant de tirer à nouveau de l'autre côté. Remise en jeu, les Japonais sont décidés à passer en force. En effet, ils se mettent à trois, Echizen, Ozora et Yuga, et prennent l'Écossais en sandwich. Neil tente de renvoyer le boif, mais c'est peine perdue. D'autant que Yuga réussit un joli contre en demi-volée d'un coca censé détruire cette formation. Ce coup en trio a été inventé par des joueurs de la ligue australienne, et cela s'appelle la pince de Perse. Perse ? Comme les villes de Perse en Australie ? Tu parles d'un jeu de mots foireux. Moi, j'ai toujours dit que les mots provenant de ce sport étaient carrément bizarres. Et encore, certaines personnes prononcent différemment selon les régions. Voilà ! Le cocard tiré par Ewan McGregor fait des choses très étranges. Oui, on dirait qu'il se multiplie comme un Kagebutin no Jutsu. Mais c'est possible, ça ? Je croyais que vous disiez que vous n'aimiez pas Naruto. Non, je pense à un bug du programme, ce n'est certainement pas volontaire. Cette version 7.4 manque de stabilité. J'en parlais justement hier avec mon père, parce qu'il travaille au ministère. D'après lui, un otaku de 5 ans suffisamment bon en informatique pourrait hacker le AK aussi vite qu'une balle de City Hunter. En tout cas, la défense adverse est submergée par ces coquards ressemblant à une pluie d'étoiles filantes. McGregor et Armstrong, les shooters écossais, les envoient dans les éjecteurs les uns après les autres. Comme des boules de flipper, ils sortent par un autre trou au hasard, il y en a de plus en plus, c'est de la folie. Et les Handbreakers écossais continuent à marquer des buts pendant ce temps. Ce n'est pas étonnant, il n'y a que les Japonais qui sont attaqués par les balles folles. Nous en sommes à 4-1, sans les trous. Je ne peux plus l'ignorer cette fois. Ces coquards sont trafiqués. Est-ce une tactique éhontée de l'Écosse pour gagner? Moi qui ai supporté. Ah, ça se calme, on dirait que le bug a été réparé in extremis, mais le score est à présent de 1-5. Chérish n'avait pas eu à se forcer pour marquer ce dernier but. Wakabayashi s'en mord la casquette. Le capitaine Ozora demande un temps mort. Mais dites-moi, si vos histoires de ninja sont véridiques, pourquoi n'êtes-vous pas allé porter secours à Oniwaban? Et la bataille de Jobar, il me semble pas vous y avoir vu. Mon maître m'a demandé de remplir une mission très importante. J'ai dû aller dans les profondeurs magmatiques de l'Etna, puis monter au sommet de l'Everest. Ah bon? Et vous y avez trouvé quoi? Les deux parchemins antiques de la terre et du ciel. Et ça sert à... Réunis, ils forment un poème prophétique qui décrit la plus grande catastrophe à venir, celle qui détruira notre monde et toute l'humanité. La prophétie dit qu'à partir du moment précis où l'élu aura vaincu le plus puissant des otaku maléfiques et que la paix régnera enfin, la fin du monde aura lieu lorsque Mercure, Vénus, Mars et la Terre seront alignés. Et ce jour... c'est... ce soir? Hein? Oh non, c'est dans ma 4000 ans, hein, mais bon, c'est quand même assez important à savoir. Oh, nom d'un germe de soja dans du couscous, vous m'avez fait trop flipper. Vous êtes trop émotif, mon vieux. Ouh, et le match reprend, juste au moment où l'on finit de discuter, comme c'est pratique. Engagement de Wakabayashi, le gardien japonais du petit but. Il passe à Ichizen. Il fait du surplace en attendant que ses équipiers montent. Ryoma Ichizen pour Janazuki qui avance sur le côté gauche, mais un coquard lui arrive dessus. On dirait qu'un shooter adverse a lancé un ballon dans un éjecteur à l'autre bout du terrain. Il a eu de la chance. Et Azuki est obligé de faire une bruit pour l'éviter. Tsubasa Ozora renvoie le coquard avec son tir de l'aigle. En plein dans la tronche du slangster. Ils peuvent en profiter. Azuki passe à Jean-Michel qui court sur le pont de bois en dribblant pendant que les deux autres handbreakers japonais le contournent de chaque côté. Armstrong est sous le pont et l'a détruit en effectuant un shoryuken des plus ahurissants. C'est vrai que ça faisait un bon spot pour une embuscade. Mais Chang est projeté en l'air. Il arrive quand même à passer la balle à Ichizen sur le côté gauche. C'est leur terrain et pourtant ils se font dominer. Malheureusement, ils se retrouvent face à un mur défensif composé de Cherish, Finian et McGregor. Le speed jumper écossais s'est joint au front pour tenter de repousser les assaillants. Et mais voilà qu'Ajiba tient à fond tout droit sur Finian. Il possède des Sai, vous savez, l'arme de Raphaël dans les Tortues Ninja, celle dont personne n'arrive jamais à se souvenir le nom. Finian est repoussé et laisse un trou dans la défense. Et Chizen qui s'engouffre alors que McGregor lui envoie un coquard, mais il frappe sa coéquipière sans faire exprès. Cherish va avoir du mal à se relever après ça. Et Chizen continue sur sa lancée, il passe à Azuki qui marque. Ulfric n'a rien vu venir, le score est à présent de 2-5, ça remonte lentement mais sûrement côté Nippon. Du côté des deux speedjumpers, ils se décident enfin à se battre en duel. Finian sort son trident, enfin ça ressemble plus à une force si vous voulez mon avis. Harry Shield utilise son attaque spéciale du 2000 Bad Ghost, sa rapidité est surhumaine, en même temps c'est pas des vrais humains donc ça passe. Finian s'apprête à faire un mouvement circulaire avec son arme. Ah, un autre coquard lancé par McGregor les sépare. Cela donne un peu de répit aux Écossais pour tenter d'avoir 15 points d'écart. Il y a bien évidemment de nombreuses stratégies, mais en compétition internationale, la règle non officielle veut qu'ils attendent quelques minutes avant de se battre pour ne pas frustrer les spectateurs. Le White Air Devil commence à s'agresser. Les Japonais ont un jeu décousu et ils ont été désavantagés. L'arbitre est cependant exemplaire et n'hésite pas à rappeler à l'ordre quand il faut. Jean-Michel effectue son attaque déstabilisante. Il récupère le bois et il marque. Ulfric n'a pas pu arrêter ce boulet de canon en pleine lucarne. Et on dirait que les Écossais ont décidé de se faire des passes entre eux, le temps de trouver le bon timing. Tiens, en parlant de prophétie tout ça, vous le connaissez bien, l'élu? Hachi? Plutôt pas mal, ouais. C'est le meilleur ami de mon frangin. J'aurais bien voulu voir comment il s'y est pris pour désinguer, vous savez pas qui. C'était quelque chose, il paraît. Il a fait fort, c'est sûr. Enfin, dans le genre flippant, ma mère n'était pas en reste non plus. À la fin, elle défonçait des types à la clé anglaise. J'ai entendu dire que la cicatrice de Power vient du fait que sa puce électronique ait été enfoncée directement dans son front jusqu'à atteindre son cerveau, le jour de ses 1 an. Ce sont que des racontas. Par contre, un jour, Juan m'a dit que Hachi avait survécu dans une grotte à des robots de type Persocom qui tiraient des lasers dans tous les sens. Tiens, mais et qu'est-ce que vous fichez sur votre smartphone? Je viens de recevoir une notification sur mon application d'assassinat. Ça existe, ce genre de truc? Oh là là, il y a un gros contrat qui m'appelle. Vous n'allez tout de même pas me laisser pour aller buter un type, là, comme ça? Vu le prix, je laisserai personne me passer devant. Et puis, c'est qu'un enlèvement de rien du tout. Il n'y a rien à craindre. Mais d'ailleurs, si vous voulez, je peux porter un micro pendant la manœuvre. Non, mais ça va pas. Il est hors de question que... Mais si, vous allez voir, c'est marrant. Retour au match. L'Écosse est dans le camp adverse pendant que Highchild 21 poursuit Finian qui s'enfuit lâchement. Oh là, attaque de groupe des Endbreakers écossais. Serait-ce leur fameuse botte secrète, le plongeon du dragon? Slingster envoie le boire fond l'air le plus haut possible pendant que Scott Nail utilise toute sa force pour faire sauter la belle Christy Cherish le plus haut possible. Et ce n'est pas suffisant. Mais McGregor tire à nouveau dans un cocard vers Cherish qui se sert du ballon rouge pour monter encore plus haut. Elle a récupéré le boire, faux point culminant et fonce vers le but. Cherish donne encore plus de force à la balle et tire. Wakabayashi tente de l'arrêter mais il est envoyé entre les poteaux avec la balle. 3-6, l'ange du keeper japonais semble mal en point, cette attaque a fait des dégâts. Nul doute qu'il va avoir du mal à garder son but maintenant, les Écossais vont pouvoir enchaîner sans se poser de questions. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Je suis dans un couloir sombre, plus question de rigoler. Maintenant, business is business. Je m'avance doucement vers l'endroit où se trouve la cible. Je ne vois personne pour le moment, je vais continuer par la droite en longeant le mur. J'arrive à un angle... Attention! Deux types marchent dans ma direction! J'en ai pas le choix! Il faut que je les élimine, sinon ils vont réduire à néant mes chances! Pas de mort, on a dit! Ah oui? Bon, j'y vais! Yeah! Ah! Voilà, il faut que je poursuive. J'ai pas eu trop de temps. L'Écosse a ajouté un point de plus grâce à Armstrong qui a dégagé la voie pour Neil avec son cocard. 3-7! La ferme! Je bosse! Ouais, mais il y a le match aussi! La double porte est gardée par un malabar en costard cravate. Vite! Une diversion! Shuriken! Hop, plein dans sa tronche de débilos. Ne me dites pas qu'il est... Mais non, il y aura juste une cicatrice sous l'œil. C'est cool, ça fait pirate. Ah, je sors, je vois la cible. À environ 12 mètres, il a les yeux fermés. Parfait. Par contre, il est sacrément entouré. Attendez, Finian est rattrapé par Highchild, il l'attaque par derrière. Très bonne idée, l'attaque de revers. Je vais me faufiler pour l'égorger. Je veux dire, le rendre inconscient. Les autres japonais tentent de faire bloc, mais Genzo Wakabayashi ne s'est toujours pas remis du coup précédent. Slingster fait un lob depuis le milieu du terrain, il marque! Highchild n'a plus le choix, il doit mettre fin au match le plus vite possible. Finian est dominé, ne va pas tenir longtemps. Là, une ouverture pour le japonais, mais son ange s'est évaporé. Il a disparu comme ça, d'un coup. Le public est effaré. Encore un bug? Non, attendez. Hé, machin. C'est bon, je l'ai bien saucissonné et je suis en train de le foutre dans un paquet à balles. Alors, ça vous a impressionné? Votre cible, ce ne serait pas un brin avec les cheveux en bataille et plutôt court sur pattes? Si, pourquoi? Vous venez d'enlever le speed jumper japonais, triple baka! Je ne fais que suivre les ordres, hein, moi. Et le commanditaire était un certain... Bog Shit. Big Shot? Le coach écossais? C'est lui qui vous a engagé? Non, je suis formel, hein. C'est bien écrit Bog Shit. Réveillez Highchild 21 tout de suite, Andouille! Ouais, je m'en fous, je viens de recevoir le virement de toute manière. 3-8, et ça continue! L'Écosse peut enchaîner les buts tant que leur équipe est en supériorité numérique. Finian aide ses coéquipiers à contrer de l'attaque nippone, il a tout à fait le droit de frapper les adversaires tant qu'ils ne touchent pas au boaf. Cela arrive rarement, car en général, il reste en arrière ou pourchasse l'autre speedjumper. C'est un supplice pour les supporters du pays du soleil levant. Et Slingster passe à Zuki et tire en diagonale et marque encore. 3-9. Et oh, on dirait que Highchild revient enfin sur le terrain. Il a l'air sonné, mais il remet tout de même son casque de contrôle. Et son ange réapparaît. Il fonce sur Finian. C'est re-moi! J'ai manqué quelque chose? Je ne sais pas ce qui me retient de vous en coller une. Oh bah ça va, il court comme une gazelle. Highchild 21 ne fait plus dans la dentelle et donne un coup de casque à Finian qui s'écroule. Le Gintama est envoyé d'un éjecteur très proche. Il réussit à le récupérer facilement et doit maintenant le mettre dans le panier au centre du terrain. Il accélère, tous les Écossais tentent de le ralentir, même le gardien. Mais on voit la toute puissance du speed jumper qui a maintenu en échec le grand Wingman Lukum plus d'une fois. Il zigzague entre les ennemis avec le Gintama coincé fermement sur son ventre et il saute. Et réussit son panier! Victoire du Japon par 18-9! Belle performance pour un type que j'ai assommé. Je suis pas allé de ma mort pourtant. Au moins, la justice est faite, et puis je suis content que Tokyo ait pu voir son équipe nationale l'emporter. Non, moi je pense qu'il y a eu beaucoup de fair play dans ce match, hein. Ah oui. Ça ne vous va pas si mal, le rôle de commentateur finalement? C'est grâce à l'enseignement de mon maître. Leçon numéro 4592. Adapte-toi à toutes les situations. Sois capable de te fondre dans le décor. Les gens autour de toi, fais-t'en des amis. Car si un jour, ils ont un contrat sur leur tête, ils le verront encore moins venir. Très intéressant. Je crois que je vais envisager la chirurgie esthétique. C'était Wilted. À la prochaine. Dites, vous ne connaîtriez pas un certain Dracho mal fait par hasard? C'est parce que j'ai un nouveau contrat pour Monsieur Achopiwa.